Les bellicistes sud-coréens ont livré frénétiquement le 7 courant les exercices de tir à obus réels visant notre pays dans les eaux du point chaud de la mer de l'Ouest. L'après-midi, la 6e brigade de l'infanterie de marine et la troupe de Yeonpyeong disposée aux îles de Paengnyeong et de Yeonpyeong ont lancé des centaines d'obus et de fusils avec l'obusier automouvant de 155 mm K9, les canons côtiers, l'arme téléguidée sol-sol Spike et même les hélicoptères armés des forces terrestres, ce qui constitue une grave provocation militaire.